Les mots terminant par IT, I, T et accent aigu en français finissent très souvent par IDAD, I, D, A, D en espagnol. Ces mots sont tous féminins et il faut insister sur la dernière syllabe à l'oral. Donc, si utilité se dit utilidad, comment dira-t-on possibilité? Bien, possibilidad, avec un seul S bien sûr. En utilisant inmensas, I-N-M-E-N-S-A-S pour immense, comment traduiriez-vous? Les possibilités sont immenses. Très bien. Las posibilidades son inmensas. Je pense que vous avez dû trouver posibilidades, car vous vous êtes souvenu que lorsque l'on veut mettre un mot au pluriel et que celui-ci se termine par une consonne, il suffit de lui ajouter les lettres ES. Redites de nouveau. Les possibilités sont immenses. Las posibilidades son inmensas. Las posibilidades son inmensas. Notez bien que l'on dit inmensas avec un N. I, N, M, E, N, S, A, S. Vu que le M ne se redouble pas à l'espagnol, les mots dont les premières lettres sont I, M, M en français commencent par I, N, M en espagnol. Comment direz-vous alors immoral? Immoral. Immoral. Traduisez-moi maintenant en utilisant su, S-U pour son, et sorprender, S-O-R-P-R-E-N-D-E-R pour surprendre. Son immoralité m'a surpris. Su inmoralidad me sorprendió. Su inmoralidad me sorprendió. Dites-moi maintenant, en utilisant admirar, A-D-M-I-R-A-R pour admirer, et su, S-U pour ça, je connais bien Carmen et j'admire sa générosité. Juste une chose avant que vous ne vous lanciez dans la traduction. Lorsqu'un verbe est suivi d'un nom ou d'un groupe de noms désignant une ou plusieurs personnes, on emploie « a » après le verbe. Par exemple, « je connais sa sœur » se dira « conozco a su hermana ». Littéralement, « je connais à sa sœur ». Traduisez-moi alors « je connais bien Carmen et j'admire sa générosité ». Conozco bien a Carmen y admiro su generosidad. Conozco bien a Carmen y admiro su generosidad. Maintenant, si espoir se dit esperanza, E-S-P-E-R-A-N-Z-A, pensez à espérance, comment diriez-vous « il y a beaucoup d'espoir pour l'humanité » ? Faites attention à l'accord entre « beaucoup » et « espoir ». Hay mucha esperanza para la humanidad. Hay mucha esperanza para la humanidad. Avec para, on se projette en avant, vers un objet, une personne ou un objectif. Dans la troisième partie de cette méthode, nous verrons plus en détail l'utilisation de por et de para. J'espère que vous avez su aussi traduire beaucoup de. Le de disparaît en espagnol et mucho s'accorde avec le nom qui le suit. On a donc « mucha esperanza » pour « beaucoup d'espoir ». Ok, continuons. Si « identité » se dit « identidad », comment direz-vous « infinité » ? Bravo, c'est bien « infinidad ». Et « sévérité » ? Bien sûr, « severidad ». Et si exister se dit existir, E-X-I-S-T-I-R, grande, gran, G-R-A-N, et communauté, comunidad, C-O-M-U-N-I-D-A-D, comment diriez-vous? Il existe une grande solidarité et fraternité dans notre communauté. Notre se dit nuestra, N-U-E-S-T-R-A. Existe una gran solidaridad y fraternidad en nuestra comunidad. Existe una gran solidaridad y fraternidad en nuestra comunidad. Notez que gran vient de grande, mais ce mot se raccourcit en gran devant des noms féminins et masculins singuliers. On a alors una gran piscina, un gran poeta, una gran solidaridad. Mais una casa grande, un patio grande, etc.